الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة الخروج على الحكام وقتالهم هذه فتنة depuis l'époque des Sahaba et l'Umma elle est éprouvée par ce groupe al-Khawarij الذين يخرجون على الأئمة على الحكام c'est une belle voie l'Umma ابتليت خاصة بعد قتال عثمان رضي الله عنه c'était أمير المؤمنين صحابي جليل والخوارج كما تعلمون قتلوه Depuis cette époque, et l'Umma islamia est éprouvée par Ha'oula al-Dullal. Le Nabi sallam il a mis en garde contre eux, comme Ta'lamoun, Khawarij Kilabun Nar. Il a démontré un Qawmun, Sayakhrujun, et ils vont prétendre secourir Din, secourir le Coran, le Karim. Après, c'est des Kadhaboun. Kadhaboun, tout ce qu'ils font l'an, tout ce Khuruj qu'ils font, Allah, c'est pas min ajlid Din. Et là, Badal Juhal, Ghtarru. اغطروا بهم أما celui qui veut dire il suit القرآن والسنة et Cheikh l'Islam il va nous démontrer c'est quoi la position du muslim celui qui veut le haq celui qui est véridique comment il se comporte par rapport au, à l'injustice des gouverneurs il n'y en a personne peut nier il y a de l'injustice là chaque fait هذا النبي صلى الله عليه وسلم il est informé car تأتي معنا بعض الأدلة لكن c'est quoi la solution c'est du dire c'est pas chacun il fait ce qu'il veut واحد il veut faire des révolutions, واحد il veut faire des manifestations, واحد il veut pas faire. Celui qui fait, maintenant il accuse celui qui fait pas de pas avoir de courage, de pas. Là, c'est pas ça. المسألة, c'est de revenir à الكتاب والسنة, كما قال عز وجل, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآن نحن, cette مسألة est importante, خاصة في هذه الأيام, et هذه الأيام, أن كثير من الناس, ils sont في غفلة. Ils savent plus comment se comporter face à ces fitnes. نحن الآن نقرأ كلام شيخ الإسلام إلى رزومي ست مسألة بكلام جميل قال رحمة الله عليه قال المشهور عند مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم سساء مذهب السلف أنهم لا يرون الخروج الخروج ستخرجوا بسخطية خارج لكن هنا المراد se rebeller, se révolter, al-khuruj al-hakim. Qal wa qitalihim bis-sayf wa in kana fihim dhulm. Même s'ils sont injustes. Lianna ba'd an-nas la yafhamoun. Quand tu lui cites madhhab ahl-sunnah, il te dit na'am, il faut pas se révolter contre les gouverneurs, lakin il est injuste. Donc, ka'annahu c'est permis. La. Amma s'il n'est pas injuste, la shak que tu vas pas te rebeller contre lui. Abadan. Lakin al-mas'ala quand il a cité l'ulama al-an, c'est fi dhulma. La du dhulm, il fait du mal, il est injuste. عقيدة أهل السنة ومذهب السلف لا يجوز الخروج عليه من باب أولى لا يجوز قتاله قال لأن قال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم vous avez remarqué que Cheikh l'Islam il a cité un problème ظلم الحكام ثم il montre que la solution c'est pas le خروج ثم il s'appuie sur des hadiths صحيحة c'est ça le dit Cheikh l'Islam il va pas parler son avis Ah, où les gens, ils ont fait. Là, al-an, on a un problème, on est des muslimouns, on revient, sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on revient à kadalik al-Qur'an al-Karim. Hada. Qala, li'anna al-fasad fil qital wal-fitna a'zam min al-fasad al-hasil bi-zulmihim, et bidoun qital ou la fitna. Il va citer les hadiths. Lakin, ma'a dhalik, si tu réfléchis, tu médites l'histoire, annahu, tous ceux qui ont fait le khuruj, أبداً أنهم ils ont amélioré la situation أبداً قال لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم لأن الآن si on dit مثلاً il y a une injustice مثلاً dans les prix comme il se passe beaucoup l'an dans les pays musulmans injustice des injustices مثلاً au Yémen مثلاً الآن les prix du carburant ils sont élevés الآن avec le خروج est-ce que tu vas améliorer la situation أم لا أبداً الآن يا شيء من الظلم tu patientes لكن celui qui fait le khuruj ça va impliquer des choses des morts des blessés, la kalima qu'on avait faite, Cheikh Yahya, qabla ayyam, mafasid al-khuruj, des orphelins, des veuves, et le prix au moment il augmente encore plus à cause de cette fitna. Allez où le maslaha? Allez où le faïda? قال شيخ الإسلام لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل كذلك تمكن الأعداء كذلك يبلد بأ كذلك القوي يمانج ضعيف الظلمة يتمكنون يبلد فول يبلد فيول هذا معروف الآن له الفائدة وربما يبين مفسدة لا أوز دي بخي شو باسيون إن شاء الله سابو غوفنيو. Al-An, c'est quoi la solution? Le khuruj, Rubbama, tu perds ton fils, ou ton frère, ou ton père. Rubbama, l'A'da, yatamakkanoun. Bel, yatamakkanoun, via d'Al-Han. Toutes ces mafasides qu'on avait vues, Al-An, c'est quoi le motif? Et c'est quoi la raison? De l'khuruj, Al-An. Si tu veux améliorer les choses, i'lam, anna, la rébellion contre le gouverneur, ça n'arrange pas les choses. Abadan. Abadan. On parle, nous, Al-An, le gouverneur musulman. Nous, Al-An, on est fait hukam al-muslimin. Mais le kuffar, c'est autre chose. Même le kuffar, bien sûr, les ulama yachtaritouna al-qudra ou al-quwa pour se rebeller contre le kafir. Mais nous, maintenant, on est fait al-hukam, les musulmans. Qala, l'anna al-fasad fil qital ou al-fitna a'azam min al-fasad al-hasul bidulmihim bidun qital ou al-fitna. Qala, fala yutfa a'azam al-fasadain bil-tizam adnahuma. Ça, c'est une règle. T'as pas le droit d'enlever un mal avec un mal plus grand. لا يجوز. On avait fait une kalima في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et parmi les شروط, c'est que t'enlèves un mal avec un bien. Ou un mal plus petit, là, à base. Amma, t'enlèves un mal avec un mal plus grand. لا يجوز لك. La din ou l'aql, il autorise هذا. قال ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان. إلا وكان في خروجهما من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته صحيح قال لا يكاد يعرف si tu viens à chercher dans l'histoire tu trouveras pas Obama un exemple طائفة خرج على ذي سلطان مسلم un groupe qui est sorti contre un gouverneur musulman et ils ont amélioré les choses أبدا. Le meilleur exemple c'est Ibn al-Ash'ath. On avait lu son histoire في الأصول الستة مع الإخوان في الباب طاعة الحكام. Et on avait lu son histoire pour appuyer sur l'islam et on la résume هنا. Un Ibn al-Ash'ath, il était ma'rouf. Et il vivait à l'époque de Al-Hajjaj, Al-Zalim. Et il n'a pas patienté. Il n'a pas patienté et il s'est rebellé. Et il a réussi à convaincre ulama. Ulama, une ulama sunna. Ils sont sortis avec lui. Ijtahadou. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, il a montré que c'était un khata. Il a montré que c'était un khata. Et la fin de l'histoire, elle va montrer que c'est un khata. Anahum, ils ont pensé qu'ils pouvaient l'enlever. Khasatan anna ba'duhum kanu ya'taqidun anahu c'est un kafir. Il y a un khilaf, parce que le hajjaj c'est un kafir. Al-Muhim, ils ont rassemblé beaucoup de monde. Et ils ont réussi à combattre le hajjaj pendant un moment. Et parmi les mafasid qu'il y a eu, anna al-hajjaj, al-haqiqa wala c'est un zalim, il faisait beaucoup al-jihad au kuffar. À l'époque, aux Turcs et autres. À cause de cette fitna, il a délaissé le kuffar. Le kuffar, ils en ont profité. Et Shurila, les musulmans, entre eux, ils se sont combattus. Le groupe d'Ibn al-Ash'ath et Al-Hajjaj. Al-Hajjaj, c'était l'Amir. L'Amir fil l'Irak. L'Amir al-Am, à l'époque, c'était Abdelmalik. Et un de ses gouverneurs à lui, كذلك, Al-Hajjaj. Akharadu alayh, ils ont tenu un moment, Thumma, à la fin, tamakkan Al-Hajjaj. حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم الحجاج تمكن ابن الأشعث إلى قتله ثم ابن الحجاج تمكن إلى commencé à exécuter tous ceux qui sont sortis منهم علماء منهم سعيد بن جبير le grand élève d'Ibn Abbas قتل et il a tué beaucoup علماء il a tué beaucoup de muslims ابن الأشعث Il s'est sauvé, comme à Ta'alamoun, on avait raconté le qissa. Il s'est sauvé. Et l'Hajjaj, il voulait Ibn al-Ash'ath, c'était la cause. C'est lui qui a motivé ceux qui sont sortis. Hatta Ibn al-Ash'ath, wal-iyadu billah, il s'est sauvé عند al-kuffar, عند al-atraq. Il s'est sauvé عند hum. Fouf le fitna. Il était à la khayr. Il a voulu sortir contre Hakim. Il n'a pas réussi. À la fin, il finit عند al-kuffar. Al-Hajjaj, il a envoyé une lettre. Ah, ces kuffars, à l'époque, c'était des Turcs. Imma ils rendent Ibn al-Ash'ath al-A, imma ils les attaquent. Et le Hajjaj il était connu. Hatta le Kuffar ils avaient peur de lui. En fait, ce Hakim, il a du zolm, il y a une maslaha azima. Les Kuffar ils ont peur de lui, il y a du Amn. Il y a chaque, il était injuste dans certaines choses, tu patientes. Il a envoyé une lettre, vous le rendez al-A. Ou, je vous attaque tous. Et ça, Roman al-Hajjaj, il attaque tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'attraque? Ils ont attaché Ibn al-Ash'ath et ils l'ont envoyé à al-Hajjaj. Ibn al-Ash'ath, il était attaché et pendant le voyage, il a réussi à se sauver et il s'est suicidé. Il est monté sur une tour, une maison, et il s'est suicidé. Et là, il serait tombé entre les mains al-Hajjaj. Allah, l'homme, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il l'aurait torturé, il l'aurait. Fa'qatala nafsa. Al-An, Kharaj, il n'a rien changé. Hajjaj, il était toujours en place. Le zolm, il était toujours présent. Al-Kuffar, ils en ont profité. Et Ibn al-Ash'ad, il est tombé fi kabira azima. Il prétendait que Al-Hajjaj, il était injuste. Lui-même, il a été injuste envers lui-même. Qatala nafsa. Wa man qatala nafsahu bi shay, yu'adhab bihi yawm al-qiyamah. Tout ça, ça montre an al-Hajjaj, an Ibn al-Ash'ad. C'était pas comme haoula al-an, khawarij al-dullah al-an. Là, lui, il voulait vraiment sortir pour une faïda, pour din, il avait des ulama. Lakin, c'est pas la solution. Ibn Kathir, à la fin, il a montré à Ibn al-Ash'ath et ceux qui le suivaient, ils ont fait un khata azim. Ça a causé la mort de milliers de personnes, des milliers d'orphelins, des milliers de veuves. Et à la fin, le Hajjaj, il était toujours là. Et avec la patience, le Hajjaj, il est mort. Et les muslimoun, wallahi alhamd, artahou minh. Lakin, est-ce que la solution, c'était al-khuruj? Abadan. Ça, c'est un exemple, faqat. Un exemple. Amma al-an, les khuruj, aslan, c'est pas pour dire. Ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Libye, au Yémen, c'est pas pour dire. Ba'dhum wal'iyadu billah, c'est pour la démocratie. Ba'dhum wal'iyadu billah, c'est pour être libre. Ba'dhum wal'iyadu billah, c'est pour rubbama une hausse des prix, quelques centimes rubbama. Na'oudou billah. Et il provoque ce char. Qal Cheikh l'Islam, on répète, qal wa la'allahu la yakad yu'raf ta'ifatun kharajat ala dhi sultan illa wa kan fi khurujihima min al-fasad ma huwa a'zam min al-fasad alladhi azalathu. Si elle enlève le fasad. Si elle enlève le fasad, maintenant la hausse des prix, ils font le khuruj. Le gouverneur il dit c'est bon, on redescend les prix. Probablement ce khuruj il a coûté la mort de milliers de personnes. Antal an, mets-toi à la place. Wallahi, si ton fils y meurt, t'accepteras jamais. Ou ton frère. Maintenant ton fils il est mort, et la hausse des prix pour quelques centimes. T'accepteras jamais. Lakin, ba'dan nas, quand ça ne les touche pas, eux la baisse. Et en général, ceux qu'ils appellent khuruj, haoula al-khawarij, leur mashayikh, leur du'at, en général, Houa, il est chez lui et sa famille, ils sont en paix. Et c'est les autres qui prennent. Al-awam al-masakin. Qala Cheikh al-Islam, wallahu ta'ala, lam ya'mur bi qital kull zalim, wa kullu baghi. Kayfa ma kan. Ça, c'est une faïda. An Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas ordonné de combattre chaque injuste. Abadan. Qala wa la amara bi qital al-baghin ibtida'an. بل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل فلم يأمر بقتال الباغي ابتداء. صحيح. الله سبحانه وتعالى أمر بقتال هؤلاء. أي deux groupes de musulmans qui s'entretuent. On essaie de faire sulh. Il y a un groupe qui veut pas, il est injuste. On combat l'injuste. أي الآن الأمر بالقتال il est venu après, pas au départ. Au départ sulh. Tant qu'on peut éviter le fitna. فما بالك الآن كومباتخ الحاكم كي سيك لغا اوتوريزي ولو سا ظالم ولو سي ان اسكرو ولو كوربسيون ولو يفول ايمو كي سيك تا اوتوريزي دو كومباتخ سي tu veux appliquer دين الله الحق reviens اهل العلم يبغوا تكسبليكي شيخ الاسلام ان يبغى تكسبليكي اسمع فكيف يامر بقتال ولاة الامور ابتداء ما بالك هؤلاء البغاة هؤلاء البغاة ظلمة كي سو كومباتخ انتر او on combat pas les injustes au départ, on essaye de faire sulh. S'il veut pas, les mu'minoun ils combattent haoula les injustes. Al-an ma baluk wali al-amr, qui c'est qui t'a autorisé de le combattre? Un dalil, واحد. قال شيخ الاسلام وفي صحيح مسلم عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون امراء فتعرفون وتنكرون. اسمع الحديث صحيح مسلم. سيكون امراء, النبي صلى الله عليه وسلم il a informé, il va avoir des gouverneurs, فتعرفون وتنكرون. Des choses qui feront, ça sera bien, vous allez accepter, et des choses qui feront mauvaises, tunkirun. Hey, zulm. قال فمن عرف برئ ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع. الان si tu rejettes ce munkar سلمت يوم القيامه الحمد لله. Tu as rejeté ce munkar avec ton cœur. Al mushkila, c'est celui qui les suit à la ma'siyat Allah. هذا اللي على خطر. اما انت tu les suis à la ma'asi. مثلا بعض الامراء الان ils appellent la démocratie, ils appellent ces choses. pèse cette chose dans ton cœur, Anta. On ne va pas dire là, la démocratie c'est bien parce que le Hagen Foulani il a dit, il faut appliquer. Abatan. Qala. Faqalu. Afala nuqatiluhum. Isma. Al-an, quand ils ont demandé, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Hada, qu'il y a des gouverneurs, ils vont appeler à des mauvaises choses, l'injustice. Sahaba, ils ont demandé, afala nuqatiluhum. Ya Rasulallah, est-ce qu'on les combat? Qala la ma sallu. Ou alors ils appellent à l'injustice, tant qu'ils font salat, c'est des musulmans. Et ça, c'est min akwal adilla, celui qui délaisse salat, c'est plus un musulman. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré, tant que c'est un musulman, tu ne sors pas contre lui, et cette chose qui le rend musulman, c'est salat. La ma sallu. Comme on avait expliqué fil l'um'a. Qala shaykhul islam, faqad naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an qitalihim ma ikhbari annahum ya'toun umuran munkara. Un Nabi sallam lui-même est informé que ses gouverneurs, ils allaient faire des mauvaises choses, de l'injustice. Et c'est lui qui t'a montré, fait par le khouroul. Limada, il y a un Nabi sallam, il sait très bien que se rebeller, ça va ramener un mal plus grand. Comme il t'a démontré chez l'islam. Et Qissat ibn al-Ash'ad, quand t'as résumé, c'est un exemple. Qala, fadalla dhalik annahu la yajouz al-inkar alayhim bis-sayf, kama yara, man yuqadil ulat al-umur min al-khawarij wal-zaydiya wal-mu'tazila wa ta'ifatin min al-fuqaha. La yajouz. La yajouz de sortir et de réprimander le hakim en public ou avec des armes, na'oudou billah. Tout ça, c'est une cause de fitna. Qala, wa fi sahihayn, an ibn Mas'ud, radiyallahu an, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innakum satarawna ba'di azara, wa umuran tunkirunaha. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, après moi, vous allez voir des choses, satunkirunaha, et du munkar. Qalu, fama ta'muruna ya rasulullah. Hada sa adab ajib. Et c'est un adab tayyib, azim. Et le prophète sallam, il a éduqué ses élèves, sahaba, bihada l'adab. Il leur montre un problème, c'est quoi la solution, ya Rasulallah. À un temps, en tant que musulman, il y a un problème, tu recherches la solution, min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Tu ne cherches pas la solution, inda al-Kuffar. Tu ne cherches pas la solution dans la rue, inda al-Juhal. Tu ne cherches pas la solution, inda al-Ta'ishin. Al-Ta'ishin, al-Juhal, abadan. La solution, elle est fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa law raddou ila al-Rasul. وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كما قال عز وجل ذلك يا بروبليم سي اون ريفيان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سوليوشن باذن الله قال فقال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم الحق que Allah est imposé tu l'appliques tu obéis au gouverneur tu fais salat tu appliques tawhid الى اخره et si ce gouverneur il est injuste demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Yom Qiyamah, il te rendra. Si tu as pris de l'argent, s'il était injuste, s'il était opprimé, et tu as pris un haq, reviens, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma te révolter, tu as peur de ton haq, et Rabbama tu vas perdre d'autres choses. Et Rabbama tu feras du mal aux autres. Ce n'est pas la solution. Abadan. Qala faqad akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna al-umara yadlimun wa yaf'aluna umuran munkara. Ça c'est un rad à al-khawarij wa al-dullal. Ils pensent que ulama al-sunnah wa ahl al-sunnah. Ils sont avec le hakim et ils acceptent ses fautes. Al-Sunni, fadlan an al-alim, al-Sunni, ils rejettent le munkar. Ça vient d'un hakim ou autre. Mais la solution, ce n'est pas se rebeller. La solution, ce n'est pas de le critiquer en public. Abadan. Qala ma'a hadha an nu'tiyahum al-haq alladhi lahum. Sahih, il y a un haq sur toi. Comme qala Azza wa Jal, ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u al-Rasul wa uli al-amri minkum. Il a un haq, c'est un amir. Ce n'est pas un enfant. Ou alors il a des choses, munkar. La solution, c'est pas de sortir. Abadan. C'est quoi le haq qu'il a? C'est atta'a fil ma'rouf. Atta'a fil ma'rouf. Et tu fais pas le khouroud ali. Et si tu ordonnes une ma'asiyah, tu l'obéis pas. C'est pas son haq. Qala wa nas'alullah. Al-haq wa nas'alullah al-haq alladhi lana. Wa lam ya'zan fi akhd al-haq bil qital. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça serait autorisé, t'aurais dû prendre ton haq combat. Lakin al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a pas autorisé. Il t'a dit, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. قال ولم يرقص في ترك الحق الذي لهم تمام قال وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر il a pas dit فليخرج celui qui voit de son amir il entend son amir il a fait une mauvaise chose النبي صلى الله عليه وسلم il a pas dit tu te révoltes tu fais des manifestations ça c'est من الكفار ça c'est من الكفار النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصبر et والله la solution elle est في هذا صبر صبر صبر حتى يفتح الله الامام احمد تاع ان اكزامبل عظيم في الامام احمد الامام احمد اليوم قصوا حق تاع ليبرتي ils l'ont fouetté بل ils ont voulu changer sa aqida de force il a patienté il a jamais appelé au khuruj il a patienté le premier amir il est mort le deuxième il est mort le troisième il est mort le quatrième il était à la sunna هذا si tu veux les exemples, c'est هؤلاء l'exemple. أما الكفار ils veulent que ton mal. قال فليصبر علي فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. Ça c'est un rod, ceux qui ils ont fait le khuruj et ils disent Fulan c'est un martyr, Fulan c'est un shahid. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمات ميتة جاهلية. Celui qui sort et il meurt, il est mort ميتة جاهلية. أي il est pas mort à la ta'at Allah أبدا. Et il rendra des comptes يوم القيامة. Le martyr il a des ahkam. Ceux qui combattent fi sabilillah pour élever kalimatullah, fait le jihad. Amma il se révolte contre son frère musulman, contre le gouverneur musulman. Il fait du mal aux musulmans et il arrange rien. Hada kama qala Nabi sallam mata mitatan jahiliya. Qala wa fil ard fa innahu man kharaj min as-sultan shibran. Tamma qala Nabi sallam shibr, ta'lamun c'est quoi le shibr? Le shibr c'est ça. C'est une mesure ma'roufa 'inda al-arab. Celui qui sort qadr hada waqt. Qala Nabi sallam fa mata mata mitatan jahiliya. Wal lafz al-Bukhari, le hadith est sahih. Après tout ça, comment tu t'autorises, Akhil Karim, de manifester, de te révolter, de critiquer, d'insulter? Qui c'est qui t'a autorisé tout ça? Si tu veux suivre l'islam, reviens au prophète Aïssa de Salam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُوا فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. C'est ça la sunnah de Nabi sallam. Et c'est ça la rahma. وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قَالَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ. قَالَ حُذَيْفَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ. Vous avez remarqué, les sahaba, ils pensent pas avec le hawa. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils pensent qu'à lui. Un problème, un Nabi sallam, il leur montre qu'il va avoir des problèmes. Comment je fais, ya Rasulallah? فَنَحْنُ الْآنِ. Il y a un problème. On revient à la sunnah de Nabi sallam, il y a la solution. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَسْمَعْ وَتُطِيعْ لِلْأَمِيرْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكْ وَأَخَذَ مَالَكْ فَاسْمَعْ وَأَطِيعْ. C'est ça la solution. Tu obéis au gouverneur et tu te révoltes pas. Même un Nabi sallam, il donne l'exemple. وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكْ, même s'il te fouette le dos. قَالَ وَأَخَذَ مَالَكْ, et il te prend ton argent. Patiente. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبغى مصلحة الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يبغى par le وحي. أما واحد يصاب. كثير منهم c'est pas لله. والله كثير منهم. كثير منهم c'est pour la hausse des prix. La hausse des prix c'est pas لله. Tu peux patienter. احمد الله que t'arrives encore à acheter. والله dans certains pays il y a موتون جوعا. Dans certains pays il n'a plus de quoi acheter. احمد الله. Tu peux encore acheter. Tu peux plus, reviens à Allah. Lève tes mains, fais le dua. الحمد لله الخير اللي حاصل. الخير اللي حاصل. Malgré ce khuruj qui fait, Allah khayr il est hasil. Qala fa hadha amrun bit ta'a ma'a dhulm al amir. Isma' al hadith. Tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Adh-dharb, al'an adh-dharb et akhadha al mal, c'est min adh-dhulm am la? C'est une injustice. Il te tape, t'as rien fait et il prend ton mal. C'est une injustice. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, au début du hadith, qala tusma' wa tuti', et à la fin du hadith, fasma' wa ati'. Entre le dhulm, il a mis ta'a ou ta'a. Ça te montre que le Nabi sallam akkad. Amma le khuruj, si tu fais le khuruj, toi-même t'es injuste. Léna tu khalif sunnat al Nabi sallam. Et mukhalafat sunnat al Nabi sallam, c'est de l'injustice. Qal wa taqaddam qawlu sallam man wuli alayh walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillah fal yakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanza'anna yadan an ta'a. Hadith azim kadhalik. Celui qui est gouverné par un gouverneur injuste, il fait des ma'asi. Faliyakra, ma yati ma'asiyatillah. T'acceptes pas. Nous, toutes ces choses, dès qu'on dit qu'il ne faut pas se révolter, il faut obéir, ça ne peut pas dire que tu acceptes mon cœur. Là, mon cœur, tu le détestes dans ton cœur. Lakin, tu ne fais pas le khuruj. Faliyada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa la yanza'anna yadan an ta'a. Tu détestes cette chose et en même temps, tu ne fais pas le khuruj. Tu ne sors pas de l'obéissance là. Tu obéis et tu conseilles. Et tu n'appliques pas le ma'asiyah, abedan. Qala wa biha wa hal. وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصى انتهى. كلام جميل. Si l'Ummah il reviendrait à ce genre de ulama, ce genre d'imam, Cheikh l'Islam de Taymiyyah rahmatullah alayh ou à غيره من الأئمة, on ne serait pas dans la fawda qu'on vit l'an ou le musiba qu'on vit. لأن الآن كثيرا les gens ils suivent des juhal. Juhal il dit il y a une manifestation, il faut sortir. Ou ulama al-dhalal, ils prétendent là, il faut faire le khuruj, il faut enlever Fulan, c'est des tawarit. Lui-même, ce shir, ce dhal, c'est min du'at al-dhalal. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du'at ala abwa bi jahannam. Lui-même, il appelle à al-dhalal. Thumma il accuse des autres. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir à ulama sunnah, ulama salaviyin, c'est muhim. C'est pour ça que ulama sunnah, ils étaient contre le khuruj, contre le hukam. Que ce soit en Libye, que ce soit au Yémen, que ce soit, ils étaient contre. Hatta ce qui se passe en Syrie, l'as le khuruj qu'ils ont fait. Pourtant, c'est un mujrim. Lakin, le khuruj qu'ils ont fait, aslan, c'était pour la démocratie, c'était pas pour din. Allez, hada, l'ulama, un carreau, il est hada, tu trouves, il n'y a pas de baraka. Ça fait des années, des centaines de milliers de morts, et c'est quoi qu'ils ont gagné, hein? Fassabr, sabr, c'est jamais le sabr. Et apprendre son din, apprendre sa aqida. Ibn Abi al-Izz, كذلك يزيد فائدة نقرأها من شرح شرحه قال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم قال لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة الله دجا سيتي سيت فائدة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الله لا بدي وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن أولي الأمر لا بدي طاعة مطلقة لا سفي طاعة الله ما في المعصية تلي وبي با أنا في هذا مرة قال وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بمن كلام شيخ الإسلام هو يستفيد كثيرا من شيخ الإسلام لخروج Tu vas vouloir enlever un dhulm, avec le khuruj, tu vas faire un dhulm plus grand. Il y aurait un bien, un Nabi sallam, il l'aurait autorisé. قال بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات. Tamam. تحتسب انت, il te fait des injustices, tu ne te révoltes pas, tu patientes, Allah te pardonne des péchés. لأنك tu subis une injustice. قال ومضاعفة الأجور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, العبادة في الهرد كهجرة إليّ. مضاعفة الأجور. النبي صلى الله عليه وسلم قد montré أن ces situations de révolte, de قتل قتال, celui qui se consacre à l'ibada, c'est comme s'il a fait الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن الله تعالى ما صلت علينا ما صلتهم علينا إلا لفساد أعمالنا. Ça c'est une فائدة. أن الله سبحانه وتعالى صلت هؤلاء الحكام الظلمة. Pourquoi c'est des gouverneurs comme ça qui nous gouvernent? لأن nous-mêmes on commet des injustices. الجزاء من جنس العمل. قال والجزاء من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. Ça c'est une solution كذلك. استغفار. On fait التوبة. مثلا واحد الآن. Chez lui, il y a de la musique. Il y a la télévision. La moitié في البيت ils font pas الصلاة. La moitié ou tous ils s'habillent comme des kuffars. Ils ont des principes de démocrate. Thumma, tu le trouves, il dit le gouverneur il est mauvais. Et toi tu t'es oublié toutes ces maasi, tout ce dhulm. C'est quoi la solution? C'est pas khuruj. La solution c'est de te réformer toi. Tu réformes ton bayt, tes enfants. Moi kadhalik. Ton frère, ton voisin kadhalik. Et vous verrez qu'il y aura du khayr. Jiddan, jiddan. Qala Allah Ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. C'est quoi le sabab? C'est ce qu'on fait avec nos mains. Allah Subhanahu wa Ta'ala il nous éprouve. Hada yakfi. Dhahab al-waqt. Fa kalam nafis. Cheikh l'Islam Taymiyyah. ابن أبي العز كذلك إلى كلام طيب في شرح الطحاوية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا وأن يهديهم إلى كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين